manque plus me donner une chance. Lino, pitié. Moi et mes frères, on manque de patience. Le fric, ça part. Des plans bidons, ça reste à la maison. En conséquence, ciao. Et contente pas ici, passe. J'ai la rime qu'attire les jaloux. Mon flow court, ma vie un métrage court. Je reprends mon souffle, je rappe à l'instinct. Reste distant, je suis mon destin. Serein, écoute bien, chez moi y'a pas d'overgame. À part la mort, c'est comme ça que je vois les choses. Top, le corbillard retourne au funèbre pompe. Je change de flow, mais pas de style, j'improvise. Parachute sur les épaules depuis que je rappe en chute libre. Qui pourra me suivre? Les bougies se consument et les années se suivent. Toujours entouré de briques, toujours autant qui nous en tue. Tu prétends tenir la route avec un morceau par pige. La bombe revient dans 16 piges pour ton album. Ça critique sur Skyblock par com. Les rageux ne comprennent pas grand chose en disant non mais sans argument. Ça critique sur Skyblock par com. Les rageux ne comprennent pas grand chose en disant non mais sans argument. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, dans la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, dans la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Trop fier, se croit même trop fort. Suffit de rien pour qu'on chute et retombe sur terre. Là la galère, on s'habitue, les emmerdes. On s'entretue, les viols, ça ils abusent. Se baiser entre nous, c'est tragique. Quand on s'aime et se soutient, c'est magique. Marseille, c'est ma ville, c'est ici que j'ai fait ma vie. Sans oublier mon pays, la Tunisie. Vivre loin, j'aimerais bien. Mais partir du jour au lendemain, c'est pas si facile. C'est souvent trop de sacrifices. Et sérieux, quitter ma famille, c'est impossible. T'es fou? J'ai la dalle, mais je suis à jeun. Le rap, mon pain, je le fabrique, mais c'est les frères qui se régalent. J'ai la dalle, mais je suis à jeun. Le rap, mon pain, je le fabrique, mais c'est les frères qui se régalent. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, donc la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, donc la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Sans rancune, à tous ceux qui m'enterrent sans raison et à ceux qui savent pas qui je suis, d'où je viens. Sans rancune, à ceux que j'ai eu des disputes dans le passé ou à ceux que j'ai causé du tort, désolé. Sans rancune, c'est le philosophe Sony 2008. Sans rancune, en attendant que le soleil se lève. Yeah, sans rancune, sans rancune, mon pote, ça vient de Marseille. Sans rancune. Sans rancune. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, donc la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, donc la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, donc la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune. Sans rancune, ici on vit, on tue. Sans rancune, milieu hostile, c'est la rue, donc la rue. Sans rancune, agir ainsi, ils abusent. Sans rancune, sans rancune.